Pour commencer, avec Jude. L'épître de Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, en Dieu le Père, et que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ici, en écoutant cette lecture, c'est un chapitre, un seul chapitre, et qui est lu, que nous allons étudier jusqu'à la fin, que ce soit à partir du Cameroun, puisque je suis en direct, que ce soit à partir de notre chaîne de télévision YouTube, ceux qui vont regarder dans quelques heures cette émission. Ici, il ne fait aucun doute que les faux enseignements ont toujours été la plus grande menace pour l'Église. Leur subtilité et leur gravité font d'eux un poison spirituel particulier. Bien que les menaces extérieures, comme la persécution par exemple, venant de la religiosité, venant des religieux, bien sûr, parce que la plus grande persécution qui a secoué l'Église est celle qui vient des religieux. Et c'est la même persécution qui avait touché Jésus quand il est arrivé. Ce sont les religieux qui l'ont persécuté. Et le diable les a utilisés, ces religieux, pour l'accomplissement de la parole, des promesses de Dieu, des prophéties de Dieu, au sujet de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous lisez donc la parole de Dieu au sujet de ce qui est dit avec l'apôtre Jude, peut-être vous ne le connaissez pas du tout, c'était le frère, demi-frère du Seigneur Jésus, demi-frère parce que il n'avait pas le même père. Jésus est né, poussé par le Saint-Esprit, engendré par le Saint-Esprit. Il est passé tout simplement par une femme. Et comme je le disais, les grandes persécutions viennent du diable. Il utilise les païens, il utilise les religieux, la religion où on n'annonce pas l'évangile, où on ne parle pas de la nouvelle naissance, où les gens qui sont dans ces religions ne sont pas nés de nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces religions? Et ça, c'est la première marque de persécution, les païens et les religieux. Mais la deuxième marque de persécution vient de l'intérieur. Et comme je le disais, bien que les menaces extérieures venant des religieux, venant des agents de Satan, et aussi l'animosité du monde, parce que hier je vous ai parlé de l'esprit humain, un esprit humain qui n'est pas encore touché par l'évangile, qui n'a pas encore été délivré des malédictions adamiques, ne peut jamais accepter, c'est ce que la Bible appelle l'homme animal, l'esprit d'un homme animal, un homme naturel, qui ne peut jamais, son esprit ne peut jamais accepter les choses qui viennent de Dieu. Alors, ça provoque donc, au niveau du monde, le monde manifeste l'animosité très désagréable, ça provoque des blessures. Cette animosité, quand il manifeste l'animosité contre l'évangile de Jésus, Et ils blessent ceux qui portent l'évangile de Jésus, Satan le sait. Ils peuvent blesser physiquement, ils peuvent blesser mentalement, mais pas spirituellement. Il est bien vrai qu'ils peuvent aussi lancer des envoûtements, des sorts et autres, mais ça ne peut pas nous toucher, à moins que ton esprit ne soit pas délivré. Par contre, les faux enseignements plus fatals ne proviennent pas de la religion. Non, des chrétiens hors de l'Église. Mais ces faux enseignements viennent de ce qu'on appelle les imposteurs spirituels au sein même de l'Église. C'est pourquoi, Actes chapitre 20, Paul avertit lorsqu'il a rencontré les chrétiens d'Éphèse, les diacres, les dirigeants de l'église d'Éphèse, il les a fait venir, il les a avertis, Actes chapitre 20, verset 31, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. » Veillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. D'exhorter avec larmes chacun de vous. Alors ici, tous ces faux enseignants ont un point commun. Vous voyez, le reste du Nouveau Testament présente des mises en garde similaires qui recommandent aux croyants de se prémunir contre la nature trompeuse de faux enseignements. De faux enseignants déguisés en vérité, déguisés en vrai homme de Dieu. Ici, nous pouvons lire Matthieu chapitre 24, versets 10 à 24. Jésus-Christ en a fait écho. Nous avons aussi 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ce sont des avertissements. Mais de nos jours, il est très très difficile de nos jours de rencontrer les croyants qui ont pris pour mesure lutter contre de faux enseignements. D'ailleurs, vous ne pouvez pas lutter contre quelque chose que, je dis, vous ne pouvez pas lutter contre quelque chose, David, que vous ne maîtrisez pas. Pour pouvoir maîtriser des faux enseignements, il faut au préalable connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, il sera difficile pour vous de maîtriser, de discerner que cet enseignement est faux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a enseigné, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et quand il commence l'exhortation depuis le début du message au chapitre 20, quand vous lisez à partir du verset 17, si je ne me trompe pas, vous allez comprendre. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er jusqu'au verset 3 nous avertit de la même manière. Nous avons aussi 2 Jean chapitre 7 verset 10. Il y a aussi un Jean qui est revenu là-dessus. Il y a aussi 3 Jean que nous avions étudié récemment, qui est revenu là-dessus. Dans tous les serviteurs de Dieu, je vous avais déjà dit auparavant, Ok, ça va. On a eu un petit problème avec le micro. Heureusement que j'ai vu à temps. Simon-Pierre, tu peux continuer à lire, serviteur de Jésus-Christ. C'est pas le... J'ai dit 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 3. Et le chapitre 3, verset 1 à 3 également. Chapitre 1 d'abord, 2 Pierre. Et nous lisons. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par au moyen de la connaissance. Donc pour faire un discernement, il faut avoir la connaissance sur les faux enseignements. Une connaissance qui vient de la révélation. Parce que ce que vous lisez, parfois si vous n'avez pas le Saint-Esprit, la parole de Dieu se révèle. Nous avons aussi, c'est 2 Pierre, chapitre 3, maintenant verset 1 à 3. Verset 1 à 3, oui. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 3, il est écrit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements. » Je cherche à éveiller par des avertissements. Ça ne veut pas dire que Pierre était en train de dire les mêmes choses. Mais il avait un objectif. Je cherche à éveiller par des avertissements, oui. Votre saine intelligence. Votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées par des saints apôtres. Afin que ça puisse rester dans votre subconscient. Et c'est pourquoi ce genre de rencontre avec vous, déjà là-bas au Cameroun, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, doivent être réguliers. Auparavant, les apôtres n'avaient pas de médias, n'avaient pas Internet, n'avaient pas de télévision, n'avaient pas de radio. Comme nous aujourd'hui, je peux parler avec vous en direct, tous les pasteurs du ministère réunis dans une salle, je peux parler, je peux enseigner. Et je peux également m'adresser à toute l'humanité, à tout le monde entier. C'est-à-dire enseigner la parole de Dieu. Donc, en tant que dernière des épîtres du Nouveau Testament, le livre de Jude sert donc d'appui au livre d'Apocalypse. Dans l'épître que nous sommes en train d'étudier, les faux enseignants sont examinés. Leurs motifs sont dévoilés et le sort qui leur est réservé est prédit dans la même épître. Dans le livre de l'Apocalypse, cette destruction inévitable est présentée en détail, tandis que Christ, dans son ultime victoire, éliminera l'erreur et établira la vérité pour toujours, juste après l'enlèvement. Jude a écrit la lettre à l'étude dans les années 68. Et 70, après Jésus-Christ, peu après que Pierre a terminé sa seconde épître, les deux lettres qui sont étroitement liées contiennent plusieurs descriptions presque identiques des faux enseignants et de l'apostasie. En fait, l'épître de Jude constitue probablement la suite de 2 Pierre. L'épître de Pierre, c'est une suite. Donc, c'est les gens qui ont vécu les mêmes problèmes, presque les mêmes situations, les mêmes persécutions. C'est pourquoi il commence. Jude, serviteur de Jésus-Christ, est frère de Jacques. Jude, serviteur de Jésus, est frère de Jacques, qui est le demi-frère de Jésus, comme je le disais. Matthieu, chapitre 13, verset 55. Vous pouvez vérifier vous-même. Marc, chapitre 6, verset 3. Galates, chapitre 1er. Verset 19, il faut avoir la connaissance sur tout ça. Ici, la salutation de Jude est similaire à celle de son frère, Jacques. Quand vous lisez Jacques chapitre 1er, Jacques qui était le chef de l'église de Jérusalem, c'était le frère du Seigneur. Bien que contrairement à Jacques, il ne se considérait pas comme un apôtre. Quand vous lisez le verset 17, qui est en étude, le chapitre qui est en étude, il n'en demeure pas moins que sa relation étroite avec Jésus, en tant que son demi-frère, et Jacques lui confère, à n'en pas douter, une position de premier plan et d'autorité au sein de l'Église primitive. Lui n'était pas apôtre, compté parmi les 12. C'est pourquoi quand il commence la lettre, il ne commence pas comme Jacques. Il dit Jude, serviteur de Jésus-Christ. Contrairement à Jacques, qu'est-ce que Jacques a écrit? Jacques, chapitre 1er. Nous allons vérifier dans le livre de Jacques, chapitre 1er, au premier verset, comment Jacques commence son épître. Nous lisons. Jacques, chapitre 1er, au premier verset, il est écrit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » Continue. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les divers... » Jacques, lui, il était apôtre. Il s'identifie serviteur de Jésus-Christ. Aux 12 tribus, il est compté parmi les apôtres. Il a eu des responsabilités de l'église de Jérusalem, comme chef de cette église. Et quand vous remontez un peu plus haut dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez rencontrer ce Jacques qui joue un rôle au chapitre 15, un rôle très important dans cette église lors du concile, lorsqu'il y a eu des discussions entre les apôtres et les autres. Ils sont revenus à Jérusalem pour juger, pour établir la vérité contre toujours les faux docteurs qui se sont introduits dans l'église. Donc, ici, Jules se présente ici comme le serviteur de Jésus-Christ, indiquant ici que la mort, la résurrection et l'ascension de Christ a transformé son cœur, dont il est né de nouveau. Il est passé du statut de non-croyant à celui de serviteur esclave, quelqu'un qui croit à Christ en tant que son Seigneur et son Maître, quelqu'un qui est délivré du péché originel, quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par conséquent, sa relation avec Christ, comme son Sauveur, est devenue plus importante que ses liens familiaux avec lui. Il ne se présente pas comme le frère du Seigneur, mais il parle du Seigneur dans le spirituel. Donc nous, les serviteurs de Dieu, nous devons avoir une vision spirituelle et non une vision physique. Nous devons s'attendre aux bénédictions spirituelles et non aux bénédictions physiques qui sont temporelles. L'argent, les richesses sur terre, tout cela est tout à fait temporel. Mais nous devons lutter pour avoir accès auprès du Père en passant par Jésus-Christ. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, c'est Jude qui parle, que la miséricorde, la paix, l'amour vous soient multipliés. Voyez, la salutation de Jude souligne clairement qu'il écrit ici à de vrais croyants. Les épîtres, je l'ai toujours dit, ne concernent pas les païens, touchent uniquement les enfants de Dieu. Car on ne peut pas enseigner un païen. On enseigne quelqu'un qui est déjà né de nouveau, dont l'esprit est déjà délivré. On n'enseigne pas le païen. Prier même pour un païen, c'est dérisoire. Enseigner un païen, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il restera toujours comme un porc. Ici, Jude ne parle pas, par exemple, de l'invitation générale que Dieu fait aux pécheurs, selon Ésaïe 45, verset 22, Ézéchiel 31, verset 11, Matthieu 11, 28. Un appel dont les gens font souvent fi et qu'ils rejettent souvent. L'appel à la nouvelle naissance. Ici, Jacques n'est pas en train de prêcher sur la nouvelle naissance. Mais il est en train de prêcher, toucher un point. Il est en train de parler, d'enseigner, d'avertir. Lorsque nous nous retrouvons hors, c'est pourquoi cette émission, c'est ceux qui vont regarder, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, ça va vous choquer. Il faut d'abord naître de nouveau, regarder cette émission, sans être né de nouveau, vous n'allez même rien comprendre d'abord pour commencer. Donc la nouvelle naissance est importante, pourquoi? C'est là plus précisément ce à quoi Christ a fait allusion en disant, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean chapitre 6, verset 44. Paul a lui aussi fait allusion à l'appel effectif des croyants lorsqu'il a écrit à Timothée. N'aie donc point honte du témoignage rendu à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. Une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon notre propre dessein, son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. La grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, ici, Jude adresse des paroles à ceux qui sont gardés pour Christ. L'expression « gardés pour Christ ». Lorsque Christ a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes brebis. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, et qui a persévéré, dans les enseignements de son père spirituel, parce que Dieu a établi, premièrement, dans sa maison des apôtres. Premièrement. Qu'est-ce que ça veut dire, premièrement? Ceux qui ont l'appel de fonder. Et la lignée des apôtres ne s'arrête pas seulement sur les 12 qui ont fonctionné avec Jésus. Dieu continue à appeler jusqu'à ce jour des apôtres qui ont un appel de fonder, d'appeler à la nouvelle naissance. Ils ont cette onction d'appeler, d'enseigner, de diriger, en même temps de prophétiser et aussi d'évangéliser. Un apôtre a l'onction d'évangéliste, il a l'onction de docteur de la parole, il a l'onction de prophète, il a l'onction pastorale. C'est ça qui lui confère la possibilité de fonder. Après avoir évangélisé, il va donc fonder une assemblée et il va enseigner. Mais nous voyons donc des faux docteurs, des faux apôtres, des faux prophètes qui viennent, qui n'ont jamais annoncé l'évangile, pour commencer. Qui n'a jamais annoncé, n'a jamais converti qui que ce soit. Mais ils viennent prêcher l'évangile. Un pasteur qui travaille sous un apôtre enseigne dans les brebis que le pasteur, que l'apôtre aurait converti. Et par derrière, il enseigne aussi aux brebis de se multiplier entre elles en annonçant l'évangile. Et ces brebis qui entrent dans l'église deviennent des enfants spirituels de cet apôtre également. Comme cela a été vu par le canal des autres apôtres. Puisque nous construisons sur le fondement des apôtres des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement. Et sur ce fondement, il y aura d'autres apôtres qui vont naître. J'ai posé le fondement. Mais ces apôtres qui vont naître ne vont pas naître en désordre. En désordre, nous allons revenir là-dessus. Mais nous voyons des gens qui ont créé des assemblées. Une ennemie apôtre. Il dit, je suis un révérend pasteur. Il dit, je suis un docteur. Je suis un prophète. Mais il crée une assemblée. Voilà ce qu'on appelle des faux. Demande à ce prophète, est-ce que tu es apôtre? Et c'est ceux-là qui réunissent les membres qui viennent des autres assemblées. Et c'est ceux-là qui passent autant à calomnier les vrais apôtres qui ont l'onction d'annoncer l'évangile. Et c'est ceux-là que Paul a taxé, qui s'élèvera du milieu de vous, des gens qui entreront des disciples après eux. Donc ils vont quitter l'assemblée avec un nombre de personnes pour dire que Dieu m'a appelé à créer une église. Il quitte l'Église, d'où il persévère, sans l'autorisation de son Père spirituel. D'ailleurs, il y a une doctrine aujourd'hui. Les gens viennent sur les réseaux sociaux, ils disent que le Père spirituel n'existe pas, la couverture spirituelle n'existe pas. Ce sont des faux docteurs, ce sont des faux enseignants. Ce sont des satanistes qui veulent détruire la famille spirituelle. Ils disent que les âmes appartiennent à Christ. Mais le Saint-Esprit dit, obéissez à vos conducteurs. Est-ce que c'est Christ? La Bible dit, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Il a donné aux autres comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes. Pourquoi? Sur la terre, il a organisé son Église. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais tu vas voir sur les réseaux, dans beaucoup d'endroits, pour justifier sa rébellion, et aussi ce qu'il est en train de faire, ils viennent vous donner des conseils. Et lorsque l'apôtre Paul dit, même si vous avez 1000 maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Donc vous pouvez avoir 1000 maîtres, 1000 enseignants, 1000 pasteurs, 1000 prophètes dans l'assemblée, mais vous n'aurez pas 1000 pères. Le père, c'est celui qui porte la cruche de l'apostolat. Et il le prouve par son appel, par les actes qu'il pose. Et ces actes qu'il pose commencent d'abord par l'évangélisation. Et quand il enseigne, après avoir évangélisé, nous voyons cela dans l'une des Actes des Apôtres, chapitre 2. Pierre évangélise. Au verset 37, il est dit, après avoir entendu ces discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre, ceux qui ont écouté Pierre, malgré qu'ils soient des religieux, appartenant à la religion juive, et ils ont écouté Pierre, ils ont été touchés. Ils ont posé la question à Pierre. Homme frère, que ferons-nous? La réponse de Pierre est claire. Répentez-vous. Alors que c'est des gens qui priaient, qui appartenaient à une religion, qui lisaient la loi de Moïse, qui mettaient cette loi, et se débrouillaient à mettre ça en pratique. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ah, ça veut dire que ils étaient des religieux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc un homme de Dieu vérifie d'abord si son interlocuteur est né de nouveau. Premièrement. Mais il y a des gens qui parlent de Christ n'étant pas eux-mêmes nés de nouveau comme Apollos. Effectivement. Nous allons revenir là-dessus. Alors, l'apôtre Jude, il n'est pas apôtre, Jude va directement dans le but du sujet. Là, il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alors, ici, la sainte doctrine, après avoir lu cette portion des Écritures, on constate que la sainte doctrine est assiégée. En fait, elle l'a toujours été. La vérité est la cible d'attaque depuis que le monde est monde, depuis que le monde existe. Cela a commencé dans le jardin d'Éden, où Satan a déformé la parole de Dieu et a convaincu Ève de désobéir à son Créateur. Genèse chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset 6. Depuis le père du mensonge qui est dans le diable, vous pouvez vérifier mes allégations dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Qu'il est le Père, c'est Jésus-Christ, lorsqu'il s'adressait aux pharisiens, il disait que le diable est le père du mensonge. Alors, sur ce point, Satan s'était vertué donc à détruire la parole. Même quand il a rencontré Jésus, Satan ne se lasse pas de mener son offensive hargneuse contre la vérité divine. Nous allons lire sur ce point Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 29 à 30. Actes des Apôtres, mon fils va lire Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 29 à 30. Et puis nous allons lire également après Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Tous ceux qui nous suivent sur les médias doivent également lire, puisque je m'adresse à une catégorie de personnes, d'abord mes pasteurs qui sont avec moi depuis le Cameroun, qui me suivent en direct. Vous aussi, vous êtes des brebis, cette parole vous concerne. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 29, verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 20, c'est pas 29, pardon. Chapitre 20, verset 29 à 30. Verset 29 à 30. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29 à 20, il est écrit. À 30. À 30, il est écrit. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups cruels. Des loups cruels. Qui n'épargneront pas le troupeau. Qui n'épargneront pas le troupeau. Donc Satan s'est vertu à tout moment. Lorsqu'il y a une église, j'ai écrit ça dans mon livre témoignage. Lorsqu'il y a une église fondée dans la vérité par un appelé du Seigneur, Satan n'ira pas en vacances. Ce sont les hommes qui sont tellement attaqués. Le but qu'il poursuit est simple. Résister coûte que coûte à l'avancement du royaume de Dieu. C'est pourquoi vous allez entendre des calomnies. Dès que je suis arrivé en France, un certain sorcier qui se réjouit sur les médias lorsque un homme de Dieu perd la vie, il se réjouit sur les médias. Tel pasteur est mort, c'est un abominable pasteur. Dieu a châtié tel pasteur. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit qui se réjouit. La Bible dit de pleurer. De pleurer avec ceux qui pleurent. De se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Tu es un homme de Dieu. Comment quelqu'un qui se dit homme de Dieu se réjouit des malheurs qui frappent des chrétiens? Il se réjouit que les gens vont en enfer. Alors que Christ a livré sa vie pour ces âmes-là. C'est lui qui taxe qu'il est parti en enfer. Mais lorsque l'apôtre Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, même si tu as commis des péchés, si Dieu veut te détruire, il ne détruit pas, parce que tu es né de nouveau, il ne détruit pas ton âme. Il détruit la chair afin que tu ne puisses pas continuer à commettre ces péchés. Donc tu peux mourir. C'est pourquoi la Bible dit, d'autres sont morts, d'autres sont infirmes, d'autres sont malades. 1 Corinthiens chapitre 11. Ceux qui n'ont pas pu discerner le corps du Seigneur. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. La mort ici, c'est le châtiment éternel, aller en enfer. Mais aujourd'hui, lorsque nous écoutons les gens qui viennent condamner sur les réseaux sociaux, comme ce sorcier qui s'appelle Georges Dama, lui, son travail, c'est de se réjouir des gens qui meurent, surtout les pasteurs. Ah oui, c'est un abominable sorcier qui est allé en enfer, Dieu l'a tué, il est en enfer. Mais ça montre que c'est un faux prophète. Ça montre que c'est un faux. Il n'y a rien de vérité, parce que Dieu, c'est l'amour. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur repentant. Donc, ici, Satan et les calomnies qu'il lance sur son site, c'est pour détruire. Il se présente comme une brebis, comme quelqu'un qui a Jésus. Or, il n'a pas Jésus, il n'est même pas de nouveau. Il n'a même pas le Saint-Esprit. Quand tu le vois sur la vidéo parler physiquement, tu sens qu'il n'a rien. Il n'a pas la substance spirituelle. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne sait même pas ce que c'est naître de nouveau. Il copie des choses, il tord la parole, et en même temps, il dit, il est écrit dans la parole, j'ai le droit de juger les gens parce qu'il est écrit, ne jugez pas ceux de dehors, tu as le droit de juger. Qu'est-ce qu'il appelle jugement? Parce qu'il ne comprend pas le mot jugement. Juger, pour selon Dieu, c'est pas condamner. Juger, c'est discerner l'erreur et la vérité. Ayant une connaissance, une pleine connaissance de la parole de Dieu. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons plus jugés. C'est écrit dans la parole de Dieu, toujours 1 Corinthiens chapitre 11. Si nous nous jugeons nous-mêmes, donc je dois commencer par juger mes actions, si réellement les actes que je pose sont en conformité avec la parole de Dieu. Là, je suis en train de juger ma propre personne par rapport aux actes que je pose. Le jugement ici, dont la parole, la Bible, la parole de Dieu fait allusion, n'est pas la condamnation, n'est pas les calomnies. Donc, il a donc ses stratégies pour que les gens, toutes les églises qui sont dirigées par ses pasteurs, c'est pourquoi il les taxe de sorciers, c'est ça la stratégie de Satan, afin d'apprivoiser, afin de récupérer ses âmes. Beaucoup restent dans les maisons à cause de ces attaques de Satan contre l'église. Et ces gens-là sont emportés parce que la Bible dit « N'abandonnons pas notre assemblée » comme c'est la coutume de quelques-uns. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Alors, Satan a recours à des tactiques subtiles, en appâtant ses victimes au moyen de l'imposture et de la contrefaçon. La contrefaçon, c'est quelque chose qui a une apparence de vérité, une apparence d'original, alors que ce n'est pas l'original. Et sa stratégie lui réussit parmi les non-croyants, dans les limites de la souveraineté de Dieu. Et ça se réussit également à l'Église, parmi les croyants qui vivent dans la chair. Pourtant, en dépit de ces victoires apparentes, bien sûr, les jours de Satan sont comptés, il le sait. Dieu a lui-même promis que la vérité finirait par triompher de ce diable, de ce démon avec tout son royaume, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 5 à 17. Un jour, le royaume éternel de Christ, dans lequel l'erreur n'a aucune place, sera établi, selon 2 Pierre chapitre 3, verset 13, pour ce qui est du diable et de ses détracteurs et de ses agents, et aussi ses tactiques, sa guérilla également, ils seront vaincus à tout jamais. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Donc tous les satanistes qui me suivent, tous les sorciers qui me suivent, qui montent des programmes pour détruire l'Église, pour détruire l'Église de Jésus, les croyants, et pour maintenir les hommes et les femmes dans le monde. Comprenez ceci, sachez que votre fin, ça sera un désastre, une destruction éternelle. Pas que tu vas disparaître parce que Satan vous manque que vous allez disparaître. Non, vous allez souffrir éternellement. Entre-temps, reconnaissant que Satan rôde encore, selon 1 Pierre chapitre 5 verset 8, les chrétiens doivent combattre avec zèle et détermination pour la foi. Ils doivent rechercher activement la vérité en s'opposant et en résistant aussi à tout ce qui est faux. Qu'est-ce qui est faux ici? Un instant, vous prenez quelqu'un, il est né de nouveau dans votre église et il devient pasteur en passant par d'autres pasteurs qui lui ont imposé les mains. Pas le Père, là où il est né de nouveau. C'est d'autres qui lui imposent les mains, il devient pasteur, et en quittant l'église, il quitte également avec une fraction de personnes pour s'établir quelque part, il fait appel à un autre pasteur, viens me. Il commence à appeler ce genre de pasteur, et qui accepte de venir, c'est un faux. Lui-même qui accepte de venir, il est faux, et celui qui est parti de l'église, il est également plus faux. Et les deux iront tous en enfer s'il n'y aura pas de repentance. Sans repentance, vous irez tous en enfer. Que ce soit le pasteur qui t'établit, que ce soit toi, que ce soit le pasteur que tu as suivi, qui t'a fait sortir de la couverture spirituelle, vous irez tous en enfer. La repentance ici est égale à faire demi-tour. Le fils prodigue a fait demi-tour dans la maison. Il n'est pas resté là où il est parti en disant « Je veux me repentir devant Dieu ». Ce n'est pas ce qu'il a fait. La repentance ici, c'est faire demi-tour, reconnaître ton erreur, tu entres de nouveau dans la maison de ton père, où tu as été détaché, où tu as été décollé par les séducteurs sataniques et démoniaques. Donc, à l'instar de Timothée, les croyants aujourd'hui ont pour mandat de prendre au sérieux la vérité de l'Évangile, faisant de leur mieux pour la protéger et en préserver la pureté. Donc nous sommes obligés de parler pour préserver la pureté. Parce que l'Église est attaquée de toutes parts. Par des satanistes, par les gens qui vivent dans la convoitise matérielle, financière. Et c'est pas la même convoitise, c'est la même convoitise que le diable a utilisée pour aiguiser l'appétit d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il dit, car il s'est glissé parmi vous, certains hommes. La mise en garde de Jude n'est pas qu'une simple hypothèse. Les faux enseignants sont déjà présents dans l'Église, depuis l'Église primitive jusqu'à ce jour. Il s'est glissé. Comme ils sont déjà dans l'Église, les apostats sont en mesure d'y introduire sournoisement les sectes pernicieuses. Vous pouvez lire cela dans 2 Pierre, chapitre 2. D'introduire des sectes, donc, des groupes de personnes. Il va te prendre à côté, et c'est ce que je lutte au milieu de vous. Où les pasteurs me disent que moi, les brebis qui me disent que je suis suivi par tel pasteur, je suis ami de tel pasteur. Non, c'est des sectes que vous établissez dans l'Église. Vous prenez les gens en apartheid, ou bien vous priez pour ces gens-là qui restent chez eux à la maison. Vous prenez leurs dîmes, vous prenez les offrandes, vous prenez les sacrifices, vous prenez tout ce que vous voulez. Vous irez en enfer, comme ces gens aussi iront en enfer. C'est l'œuvre de Satan que vous faites, ce n'est plus l'œuvre de Christ. Vous travaillez pour le ventre. Ça n'a rien à voir, pratiquement rien à voir avec la vérité établie par le Seigneur. Ceci, chaque serviteur de Dieu doit le savoir. Doit également comprendre de près que sans cette vérité, vous ne pouvez jamais entrer au ciel. Une chose est certaine, il existe beaucoup de faux enseignants hors de l'Église qui propagent des mensonges et des impostures contre Jésus, contre l'Église, et qui se disent ouvertement opposés au christianisme. Jésus a d'ailleurs fait une mise en garde aux apôtres. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. On a vu beaucoup de personnes, que ce soit journaliste, quel type de documentaire n'a pas tourné sur les serviteurs de Dieu, y compris moi qui vous parle aujourd'hui. On a vu les Canal Plus qui sont arrivés. Oh oui, nous allons tout simplement montrer ce que vous faites. C'est très important, c'est très bien ce que vous faites. Après, ils viennent les films, mais ils vont propager des mensonges. Ils fabriquent des images, ils font des montages pour saboter afin que les gens ne puissent pas croire. Tout ceci, c'est pour que les gens ne croient pas. Donc, ce sont les agents de Satan. Jésus a quand même mis en garde. Dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 9. Et aussi, les apôtres ont parlé de ça. Actes, chapitre 4, verset 1er à 3. Et au verset 13, 18 également. Au chapitre 5 aussi, Actes des apôtres, chapitre 5, verset 17. Quand vous lisez, vous faites toute cette lecture, vous allez comprendre. Cependant, les pasteurs, les anciens, les diacres et les enseignants qui sont des imposteurs au sein de l'Église sont généralement beaucoup plus dangereux. Les attaques provenant de l'extérieur de l'Église ont souvent pour effet d'unir le peuple de Dieu. Mais les attaques provenant de l'intérieur, que montent de faux enseignants, des faux diacres, des faux pasteurs, des pasteurs charnels, des pasteurs démoniaques, des serviteurs, entre guillemets, serviteurs de Dieu démoniaques, ont généralement pour effet de diviser le troupeau, disséminer la confusion. De tels faux enseignants se glissent donc furtivement dans l'église en infiltrant le tissu même de l'assemblée et y causent autant de tort que possible. Résultat, la communion, l'adoration, le ministère et l'évangélisation véritable disparaissent. À mesure que l'église succombe à des erreurs dévastatrices en matière tant de doctrine que de pratique, le Nouveau Testament fait plusieurs mises en garde contre le danger que pose l'apostasie au sein de l'église. Vous pouvez lire Actes chapitre 20, versets 28 à 31, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 12 à 15, Galates chapitre 1, versets 6 à 9, Galates chapitre 3, versets 1 à 3, Colossiens chapitre 2, versets 8 à 19, 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11, 2 Jean chapitre, 2 Jean, c'est un seul chapitre, versets 7 à 11. Dans l'église d'aujourd'hui, une telle apostasie prend plusieurs formes. Les faux enseignants écrivent des livres et éditent des publications. Ils sont remplis sur les réseaux sociaux. Ils parlent à la radio. Ils parlent sur Internet. Ils parlent à la télévision. Ils enseignent dans les collèges et des séminaires. Ils prêchent en chair. Ils ont des sites Internet. Satan sème toujours son ivraie parmi le blé, selon Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, suscitant de faux frères qu'il déguise en messagers de la vérité. Or, ce sont des faux. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, le dit déjà. Bien que la description que je donne des apostats, certains hommes, soit vague, leur identité historique spécifique n'est pas essentielle à l'établissement de son point principal, à savoir que tout imposteur spirituel pose un danger clair et présent pour l'Église. Quelle que soit l'erreur qu'il propage, Jude ne considère pas non plus comme nécessaire de détailler les nuances entre les diverses fausses théologies, fausses doctrines qu'ils sont en train d'établir, les faux enseignants. Ils vous diront que la dîme n'est pas biblique. Ils vous enseigneront sur les offrandes. Ils vous diront que également, la sanctification n'est plus d'actualité. Ils apporteront beaucoup de choses. Ils vous diront également que il faut être tolérant avec les autres religions, ne pas les critiquer, il faut les laisser tranquilles, il faut manifester l'amour. Or, ce sont des paroles des satanistes. Le vrai évangile dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il? Moi, je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, même s'il parle de Dieu. M'asseoir pour dire, nous formons une communion spirituelle. On peut s'asseoir pour d'autres choses. Et sur d'autres choses, j'en profite également pour t'évangéliser. Mais dire que on va former ce qu'on appelle un attelage sur la communion fraternelle, c'est hors de toute mesure. Et l'apôtre va jusqu'à dire, les gens dont la condamnation est écrite depuis longtemps, dont tous ceux qui ont cet esprit et ceux qui suivent ce genre-là, comprenez que votre condamnation est écrite depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis les tout débuts de l'histoire de la rédemption, Dieu promet de juger les apostates avec la plus grande sévérité. C'est écrit depuis longtemps, dit-il. Suggère qu'il y a longtemps, Dieu a prononcé une condamnation contre tous les apostates. Les apostates ici, ceux, sont ceux qui quittent et qui suivent les faux par le canal d'une certaine séduction. Ceux qui suivent les rebelles, vous êtes un apostat. Ce sont des fils de la colère contre Dieu. Les fils de la colère contre qui Dieu a ordonné cette condamnation, prophétisé. Jude fera également allusion à cette condamnation dans les versets 14 et 15. Dans ces versets 14 et 15, il dit beaucoup de choses. Nous allons revenir là-dessus. Déjà, il dit au verset 11, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus pour la révolte. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Regarde que Corée a entraîné des multitudes de personnes. Dans une église, lorsque un pasteur se révolte, il quitte l'assemblée dans la révolte, dans la rébellion, il entraîne des gens avec lui. C'est ce qu'il appelle la révolte de Corée. Dans le livre de Jude 16, Nombre, chapitre 16, c'est bien analysé là-dedans ce que Corée, comment Dieu les a enterrés vivants lorsque cette révolte s'est manifestée contre Moïse. Ils ont été détruits directement, enterrés vivants. Dieu a ouvert le sol. Ce qui me pousse à vous dire que Dieu ne supporte jamais la rébellion. Quels que soient les motifs que vous évoquez, Dieu ne peut pas tolérer la rébellion. Pratiquement impossible. La condamnation qui est écrite depuis longtemps. C'est aussi pour eux qu'Enoch, il le dit au verset 12 et 15, qu'Enoch, septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu. Avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Vous pensez que quand on dit ils ont proféré ces paroles contre lui, contre Dieu, c'est pas Dieu directement. Quand vous proférez des paroles contre un serviteur de Dieu, parce que vous voulez vous justifier, vous avez déjà programmé votre plan de départ. Parce que tous les rebelles commencent toujours par calomnier. Pour gagner les cœurs de ceux qui les écoutent, ils commencent par les calomnier. C'est comme ça que les assemblées se divisent. Parce qu'ils veulent quitter avec un grand nombre de personnes. Alors, c'est comme ça que Corée aussi et sa troupe ont procédé pour que une grande partie de l'assemblée les suive. C'est comme ça que Absalom aussi, c'est toujours les rebelles qui passent par ce genre de procédure. Mais ils ne vont pas loin. Spirituellement, ils sont déjà condamnés. Il y a d'autres qui disent, depuis que je suis sorti, j'ai réussi. Ils pensent que réussir, c'est parce qu'il a créé une assemblée. Il a investi de l'argent. Moi, j'ai vu à Lomé, au Togo, un pasteur. Il était pasteur dans l'assemblée où il exerçait. Il est né de nouveau là. Il a travaillé là. Il est devenu pasteur. Après, il s'est rebellé contre l'autorité. Il avait l'argent. Il a gagné les âmes. Dans l'assemblée où il était, il a gagné leur cœur. Et puis il est sorti avec des armes pour aller fonder son assemblée. Il avait des parcelles de terrain dans la ville de Lomé. Il a vendu, il a construit, il a pris un terrain, il a donné. Ils ont construit un beau temple. Plusieurs années plus tard, et cet homme va faire un accident. Dieu ne permet pas qu'il meure. Il est paralysé. Je précise paralysé. Alors, il garde le lit pendant 4 ans. L'assemblée qu'il a créée, il passe l'assemblée entre les mains de son fils. Ce qu'il avait semé, il va récolter ça. Son fils biologique commence à diriger l'assemblée. Son fils l'oublie, parce qu'il est couché à la maison, il l'oublie. Il n'envoie même pas un rond des offrandes à son père. Il ne met plus pied pendant plusieurs années. Son père est en train de mourir de faim. Sa femme est partie. Lui qui a créé l'assemblée dans la rébellion. Parce qu'avant de mourir, selon l'Éternel, il fallait qu'il paye. Il a été ingrat pour commencer. Avant de partir, il avait saboté son père spirituel. Une grande partie de l'assemblée est partie. Il disait comment son père spirituel ne sert plus Dieu, comment il a dérapé, comment beaucoup de choses. Comme ce qui se passe généralement quand quelqu'un veut partir, quitter une assemblée. Alors, il m'a entendu prêcher, j'étais chez le pasteur Dra que vous connaissez, qui m'avait invité. Et cette histoire s'est déroulée il y a seulement 2 ans aujourd'hui, en 2016. Début 2016, quand j'étais à Lomé. Alors, il m'a entendu prêcher. Et là, le pasteur Dra prêchait là-bas au Cameroun. Et moi, j'étais à Lomé. Il m'avait laissé l'assemblée avec sa femme. Et sa femme dirigeait, me disait tout ce que je dois faire, ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce qu'il dirige son assemblée avec son épouse. Et il a laissé sa femme à l'assemblée. Et sa femme m'indiquait tout ce que je dois faire dans cette assemblée. J'avais mon message, le témoignage, les délivrances et d'autres choses à faire. Et nous sommes partis, moi, sa femme et deux diacres de l'église. On a pris la chaîne télévision. À Lomé, on a commencé à faire l'évangélisation, à passer mon témoignage et les gens venaient. L'assemblée était remplie, gonflée. Alors, ce monsieur, ce pasteur, paralysé sur son lit, m'avait suivi à la télévision. Car on a fait diffuser ma repentance envers mes parents spirituels. Cette vidéo était passée à la télévision là-bas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il a appelé la femme du pasteur, parce que c'est le numéro de la femme du pasteur qui s'affichait à la télévision. Il a appelé la femme du pasteur. Il dit, il veut rencontrer l'homme de Dieu qui a prêché. La femme lui dira, il faut venir ici le soir. Il dit, je suis paralysé. La femme dit, on va envoyer la voiture, tu vas venir, parce qu'il ne pourra pas parler, pas prêcher, prier pour toi à la maison. Il faut venir au temple, même si tu es couché. Et cela a été fait. Avant d'entrer dans le temple, on l'a amené au bureau. Il m'a parlé, il m'a raconté son histoire dans un esprit de repentance. Il pleurait. Il dit, je sais que j'ai péché contre Dieu. Je me suis rebellé contre mon père spirituel. Je suis sorti avec les âmes. Il me dit, homme de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est pas l'argent. J'avais l'argent. J'ai même vendu le terrain. Les hectares et les hectares. J'ai construit un beau temple. Mais ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est le fruit de ce que j'avais semé. Ok. Et ce jour-là, je lui ai dit de se repentir sincèrement. S'il peut faire demi-tour, aller voir ses parents spirituels, il dit, je dois le faire. Demain même. Alors, on l'a amené dans la salle. J'ai commencé le service à prêcher. Et Dieu m'amène, je lance la délivrance avant la fin de la prédication. Ce monsieur je me suis approché de lui. J'ai dit, aujourd'hui, Dieu te délivre. Aujourd'hui, Dieu te délivre. Comme tu t'es repenti, Dieu te délivre. Et dit, homme de Dieu, pendant que je te suis couché là, Dieu m'a dit de faire un sacrifice. Mais j'ai pas l'argent liquide, mais j'ai un terrain à donner. Je donne ce terrain à cette assemblée. 1 hectare. Ici, dans la ville de Lomé. Il dit, ok, pas de problème. Dès que cela est sorti de sa bouche, appuyé par la repentance qu'il venait de faire, j'ai ordonné à ces démons que Dieu a laissé. Parce que Dieu peut utiliser les mauvais esprits contre toi. Il l'a fait avec Saül. Les démons sont sortis. Le monsieur s'est mis debout. Lui qui avait les reins broyés, Dieu a reconstruit. Au vu et au su de tout le monde, il a rendu témoignage. Parce qu'il s'est repenti. Il fut condamné. Il a perdu tout ce qu'il avait fait. Dieu l'avait prouvé que tu as suivi un mauvais chemin. Dieu n'est pas là pour la rébellion, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. 18, au verset 4. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la rue ne sommeille point. Les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui, c'est la cupidité qui amène tout ça. Avoir de l'argent, qu'on m'appelle aussi papa, qu'on appelle ta femme, t'encourage même. Il faut qu'on m'appelle aussi papa, on appelle ta femme maman, quand on appelle maman Dédé, maman, et puis quand on m'appelle aussi papa, et puis j'aurai beaucoup d'argent, c'est moi qui va gérer, j'aurai ceci, j'aurai cela, on va me donner des dîmes, des offrandes, des sacrifices, tout ce qui est nécessaire, j'aurai beaucoup d'argent. Mais tu perds le ciel, tu acceptes perdre le ciel. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace maintenant. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la rue ne sommeille point. La condamnation les menace depuis longtemps. Et dans les ténèbres les réservent. Et dans les ténèbres, dit la Bible, il leur est réservé un jugement. Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes et Sodome, de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. 2 Pierre, chapitre 3, verset 6. 2 Pierre, chapitre 2. Versets 3 à 6. Les impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus. Dès que vous reniez votre père spirituel, ça veut dire que vous avez renié Jésus. Il n'est pas Jésus, mais vous n'êtes plus sur aucune couverture spirituelle. Vous n'avez plus de conducteur. Parce que cet imposteur ne peut jamais être votre conducteur. Ne peut jamais être votre père spirituel, c'est un imposteur. C'est un sorcier, c'est un sataniste. C'est quelqu'un qui est rempli de convoitise. Donc les apôtres ont lutté contre ça. Nous devons continuer. Et j'exhorte. Et c'est ce que vous devez dire. Vous devez revenir sur ça quand vous faites la modération. Mais vous ne pouvez pas revenir sur ça parce que vous avez des plans sur l'assemblée. C'est pourquoi les pasteurs ne peuvent jamais revenir sur ce genre d'enseignement. Ne parle que des démons, parle que ceci, parce qu'ils ont déjà prévu faire des choses. Parce que s'ils reviennent sur ça, s'ils enseignent sur ça, alors, quand il va dire à une brebis demain ou après demain que je suis en train de faire mon assemblée, moi je suis prêt à partir, la brebis va dire, mais c'est pas ce que tu nous enseignes. Et ça, c'est le docteur et son baquet, le père de l'assemblée, toi tu es son fils. Même si le docteur te libère, tu dois aller évangéliser, tu ne sortiras pas avec une âme de l'assemblée pour aller établir ton assemblée. Tu dois commencer à évangéliser selon ce qui t'a été révélé, ton appel. Le Saint-Esprit dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Actes chapitre 13. Ils ont gêné, ils ont prié, après ils les ont imposé les mains pour partir. Parmi tous ceux qui sont sortis dans la rébellion, là, j'avais posé les mains à qui pour le libérer. Que j'étais libéré aujourd'hui. et je l'avais consacré. Parce qu'il y a d'autres qui sont sortis sans être consacrés. Ils ont fait appel à d'autres pasteurs, venez nous consacrer. Donc c'est des perdus. Leur assemblée, même ceux qui les suivent, même s'ils évangélisent, parce que un rebelle qui t'évangélise et qui te suit, qui devient ta couverture spirituelle, c'est Satan qui te couvre. Soyez honnêtes, demandez à tout ce monde-là, allez-vous repentir. Parce que nous n'allons pas mettre nos vies en danger à cause de vous. Ils vont trouver des alibis, nous ne pouvons pas parce que, ou bien on n'a rien fait, d'autres disent, on n'a rien fait. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Mais la vérité est tout autre chose. Il ne fait aucun doute que les apostats de l'époque de Jude, comme c'est le cas de tous les faux enseignants, de tous les rebelles, de n'importe quelle époque, se caractérisent principalement par l'impiété. Ils prétendent appartenir à Dieu et parler en son nom. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Toutefois, leur cœur est éloigné de lui. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 23. À la lumière de ce qui précède, Jude décrit leur caractère, leur conduite et leur credo comme étant corrompus. Leurs œuvres corrompues. Tout est corrompu, tout ce qu'ils font. Même s'ils produisent des miracles. En tant qu'impie, les faux enseignants ne peuvent adorer Dieu correctement dans la vérité. En fait, ils étaient et sont dépourvus de toute révérence pour lui. Parce que adorer Dieu, on doit l'adorer dans la vérité. Le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'obéissance. L'obéissance commence là où tu es né de nouveau. Tu es sorti. Comme dans la famille biologique. La bénédiction que nous pouvons avoir matériellement, financièrement, ou vivre longtemps sur la terre, dit la parole de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6, émane de ce que nous avions sémé dans la famille biologique quand nous étions enfants. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Soumettez-vous, les enfants doivent se soumettre pour vivre longtemps sur la terre. Et non seulement vivre longtemps sur la terre et avoir le succès, la bénédiction sur la terre, ils doivent d'abord se soumettre avant de quitter à 21 ans la famille biologique. Si cela n'a pas été fait, donc ça veut dire que ta racine est polluée jusqu'à ce jour. C'est comme ça aussi dans le domaine spirituel. L'Église est une famille. Tu es né de nouveau, spirituellement dans cette famille. Mais après quelques années, tu sors dans la rébellion. Tu ne viens plus des prêtres. Je m'entends pas avec la femme du pasteur. Elle m'énerve. Mais tu iras en enfer. Va dans les d'autres aujourd'hui vont dans les églises. Ah oui, ce pasteur-là a beaucoup d'argent. L'autre là est riche. Il a des contacts avec la présidence. Il est ceci. Donc c'est pour les choses de la terre que tu vends ton âme à Satan. On voit ça dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays. L'autre là, l'onction, il va me délivrer. J'ai trop de problèmes. Il faut que je me marie. Il faut que je puisse avoir beaucoup d'argent. Je suis malade, il faut qu'il me guérisse. Là où je suis là, je n'avais jamais reçu la guérison. Il n'est pas interdit que d'autres personnes prient sur toi. Mais se rebeller en quittant dans la rébellion, mais ça fait de toi un enfant de Satan, l'enfer est ouvert devant toi. Devant toi. Tu as renié Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Jude dit, et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Ta façon de se comporter, tu as renié Jésus. Même si tu prononces Jésus, tu chantes même à la chorale, tu prêches même, mais tu as renié Jésus par ton comportement. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres. Je veux vous rappeler, à vous qui savez bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Dans le passage à l'étude, Jude fournit des faits supplémentaires sur la condamnation qui est réservée aux imposteurs, qui est réservée aux rebelles, en citant trois jugements que Dieu a portés contre d'autres apostates. Les Israélites apostates, les anges apostates et les non-juifs apostates. Le passage qui nous intéresse ici est 2 Pierre chapitre 2 verset 3 à 10. Sont étroitement liés parallèles dans sa seconde épître. Pierre a parlé du jugement de Dieu contre les anges déchus, les non-croyants par le déluge, et aussi les débauchés de Sodome et Gomorre. Il a parlé de tout ça. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, si Jude donne cet exemple connu de l'Ancien Testament, c'est pas qu'il veut rappeler à ses lecteurs, parce qu'il était en train d'écrire. Et nous aussi, nous rappelons à tous qui nous écoutent et qui se sont retrouvés dans la même position. Le premier de cet exemple est centré sur le fait que Dieu les a punis à cause de ces actes de rébellion. Il a fait périr des incrédules. Il a fait périr les incrédules. Même si tu es dans l'église, tu prêches même, tu prophétises, mais tu es incrédule par rapport à cet acte de rébellion que tu es en train de poser. Parce que tout ce que Jude est en train de dire dans ce chapitre touche essentiellement les actes de rébellion que les gens posent. L'apostate qui passe par ce que nous appelons les faux enseignements, les faux enseignants, les faux docteurs, les faux pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, le mot qui est dans la bouche même des païens, faux pasteur, faux ceci, faux cela, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un faux pasteur qu'il a réservé pour le jugement, pour le grand jour. Donc, ici, que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche, il y a des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Donc la débauche dans une assemblée, la débauche dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur, la débauche, c'est-à-dire des femmes, des hommes, la débauche est aussi en pensée. J'ai parlé hier de l'esprit humain qui doit être délivré. Tu peux aussi vivre la débauche dans tes pensées. Ce châtiment ne va pas te rater. C'est la troisième illustration du jugement dont Dieu a frappé les apostates par le passé. Sodome et Gomorre, ce n'est pas les juifs, c'était les païens. Donc les gens pervers qui vivaient dans ces villes et les villes voisines se sont livrés à des péchés tout aussi révoltants et horribles que ceux des anges déchus. Selon Genèse chapitre 18, verset 16. Et quand vous lisez le récit, les deux anges arrivèrent donc à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous laverez de bon matin, vous vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Ils mangèrent, ils n'étaient pas encore couchés, que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accouru, ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et je vous les ferai ce qu'ils... Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, les anges étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Alors, les sodomites se livrèrent comme eux à la débauche et aussi à des vices contre nature. Ils ont eux aussi corrompu les desseins que Dieu avait conçus pour eux en sollicitant la faveur sexuelle auprès de ses saints messagers. Donc, ils ont été détruits. Ils ont été détruits. C'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui sur l'étude sur le livre de Jude. Et nous sommes là au verset 8 et 13. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprise d'autorité, injurie de gloire. Malgré cela, ces hommes, entraînés par leur rêverie, le terme que Jude emploie pour identifier les apostates comme des gens qui ont de fausses visions, de fausses visions. Dieu m'a dit de faire une assemblée. Dieu m'a dit de créer une église. Dieu m'a dit de partir. Dieu m'a dit de quitter cette assemblée. C'est de fausses visions qui viennent de Satan. Entraînés par leur rêverie. Ils prennent leur rêverie comme si c'est la parole de Dieu. Ils vous diront que c'est Dieu qui m'a parlé. Ils sont entraînés par quoi? Par leur rêverie. Donc, à notre prochaine rencontre, donc lundi prochain, nous allons revenir sur cette étude pour montrer David, pour montrer effectivement ce qui s'est passé, pour que les uns et les autres ceux qui étaient déjà gagnés, leur esprit vivait déjà avec cette convoitise. Parce que ça commence dans ton esprit. Nous sommes tentés par une certaine convoitise. Et lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, lundi, dans les environs de 9h, heure du Cameroun, 10h, heure de Paris. Nous entamons cet enseignement qui va prendre beaucoup plus de temps encore. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous devez absolument s'abonner, comme c'est écrit déjà. Abonnez-vous pour suivre nos enseignements à tout moment. Lorsque une vidéo est déjà postée, vous allez suivre nos enseignements, pour que la grâce de notre grand Dieu et merveilleux Seigneur Jésus-Christ puisse reposer sur vous. Vous êtes bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo aussi à tous vos amis. Envoyez la vidéo à tous vos amis sur Facebook, partagez, sur les réseaux sociaux, partagez, pour que beaucoup soient sauvés des prédateurs spirituels qui naviguent sur les réseaux sociaux pour chercher des proies. Que le Seigneur vous garde. Amen.